Chapitre 5e. L'usine de M. Dutertre, destinée à la fabrication des machines pour les chemins de fer, occupait un immense emplacement dans le faubourg Saint-Marceau, et les hautes cheminées de briques, incessamment fumantes, la désignaient au loin. M. Dutertre et sa famille habitaient un petit pavillon séparé des bâtiments d'exploitation par un vaste jardin. Au moment où nous introduisons le lecteur dans cette modeste demeure, un air de fête y régnait. L'on semblait s'y occuper de préparatifs hospitaliers. Une jeune et active servante achevait de dresser le couvert au milieu de la petite salle à manger, dont la fenêtre ouvrait sur le jardin et qui avoisinait une cuisine assez exiguë, séparée seulement du palier par un vitrage de carreaux dépolis. Une vieille cuisinière allait et venait d'un air effaré au milieu de ce laboratoire culinaire, d'où s'échappaient des bouffées de vapeurs appétissantes qui se répandait parfois jusque dans la salle à manger. Au salon, garni de meubles de noyer recouverts de velours d'Utrecht jaune et de rideaux de calicot blanc, l'on faisait d'autres préparatifs. Deux vases de porcelaine blanche ornant la cheminée venaient d'être remplis de fleurs fraîches. Entre ces deux vases et remplaçant la pendule, on apercevait sous un globe de verre une petite locomotive en miniature, véritable chef-d'œuvre de mécanique et de serrurerie. Sur le socle noir de ce bijou de fer, de cuivre et d'acier, on voyait ces mots gravés « À M. Charles Dutertre, ses ouvriers reconnaissants ». Tenier ou Gérard Dehaut refait un charmant tableau d'un groupe de figures alors réunies dans ce salon. Un vieillard aveugle, à figure vénérable et mélancolique, encadré par de longs cheveux blancs tombant sur ses épaules, était assis dans un fauteuil et tenait deux enfants sur ses genoux. Un petit garçon de 3 ans et une petite fille de 5 ans, deux anges de gentillesse et de grâce. Le petit garçon, brun et rose, avec de grands yeux noirs veloutés, n'était pas sans jeter de temps à autre un regard satisfait et méditatif sur sa jolie blouse de casimir bleu clair, sur son frais pantalon blanc, mais il semblait surtout se délecter dans la contemplation de certains bas de soie blancs rayés de cramoisi et encadrés par des souliers de maroquin noir à bouffette. La petite fille, nommée Madeleine, en souvenir d'une amie intime de sa mère, qui avait servi de marraine à l'enfant, la petite fille, disons-nous, blonde et rose, avait de charmants yeux bleus et portait une jolie robe blanche. Ses épaules, ses bras étaient nus, ses jambes seulement à demi couvertes par de mignonnes chaussettes écossaises. Dire combien il y avait de fossettes sur ses épaules, sur ses bras, sur ses joues potelées, d'une carnation si fraîche et si satinée, une mère seule en saurait le compte, à force de les baiser souvent, de ses fossettes, et la mère de ses deux charmants enfants devait le savoir. Debout et appuyée au dossier du fauteuil du vieillard aveugle, Madame Dutertre écoutait, avec la gravité qu'une mère apporte toujours en pareil cas, le ramage des deux oiseaux gazouilleurs que le grand-père tenait sur ses genoux, et qui, sans doute, l'entretenaient de quelque chose de bien intéressant, car ils parlaient tous deux à la fois, dans ce jargon enfantin que les mères traduisent avec une rare sagacité. Madame Sophie Dutertre avait au plus 25 ans, quoiqu'elle fût légèrement marquée de petites véroles, que l'on put rencontrer des traits plus réguliers et beaucoup plus beaux que les siens. Il était impossible d'imaginer une physionomie plus gracieusement ouverte et plus attrayante, un sourire plus avenant et plus fin. C'était l'idéal du charme et de la bienveillance. De superbes cheveux, des dents de perles, une peau éblouissante, une taille élégante, complétaient cet aimable ensemble. Et lorsqu'elle levait ses grands yeux bruns, limpides et brillants vers son mari, alors debout de l'autre côté du fauteuil du vieillard aveugle, l'amour et la maternité donnaient à ce beau regard une expression à la fois touchante et passionnée, car le mariage de Sophie et de Charles Dutertre avait été un mariage d'amour. Le seul reproche, et sans reproche, que l'on avait pu adresser à Sophie Dutertre, car elle n'avait de coquetterie que pour la mise de ses enfants, c'était la complète inintelligence de sa toilette. Une robe d'étoffe mal choisie et mal faite déparait sa taille élégante. Son petit pied n'était pas irréprochablement chaussé, et ses superbes cheveux bruns auraient pu être disposés avec plus de goût et de soin. Franchise et résolution, intelligence et bonté, tel était le caractère des traits de M. Dutertre, alors âgé de 28 ans environ. Son œil vif et plein de feu, sa stature robuste et svelte annonçaient une nature active, énergique. Ancien ingénieur civil, homme de haute science et d'application, aussi capable de résoudre avec la plume les problèmes les plus ardus que de manier dextrement la lime, le tour et le marteau de fer, sachant commander parce qu'il savait exécuter, honorant, rehaussant le travail manuel, en le pratiquant parfois, soit comme exemple, soit comme encouragement, probe jusqu'au scrupule, loyal et confiant jusqu'à la témérité, paternel, ferme et juste avec ses nombreux ouvriers. De mœurs d'une simplicité antique. Ardent au labeur, amoureux de ses créatures de fer, de cuivre et d'acier, sa vie s'était jusqu'alors partagée entre les trois plus grands bonheurs de l'homme, l'amour, la famille, le travail. Charles Dutertre n'avait qu'un chagrin, la cécité de son père. Et encore, cette infirmité était le prétexte de dévouements si tendres, de soins si délicats et si variés, que Dutertre et sa femme tâchaient de se consoler en disant qu'au moins il leur était donné de prouver doublement leur tendresse au vieillard. Malgré les apprêts de la fête, Charles Dutertre avait remis au lendemain le soin de se raser et avait gardé son habit de travail, blouse de toile grise, çà et là noircie, brûlée ou maculée par les accidents de la forge. Son front noble et élevé, ses mains à la fois blanches et nerveuses, étaient quelque peu noircies par la fumée des ateliers. Il oubliait enfin, dans sa laborieuse et incessante activité, ou dans les moments de repos réparateur qui succédaient, ce soin, sinon cette recherche de soins auxquels certains hommes, et avec raison, ne renoncent jamais. Tels étaient les personnages rassemblés dans le modeste salon de la fabrique. Les deux enfants gazouillaient toujours, tous deux à la fois, tâchant de se faire comprendre du grand-père. Il y mettait d'ailleurs la meilleure volonté du monde et leur demandait en souriant doucement « Voyons, que dis-tu, mon petit Auguste, et toi, ma petite Madeleine ?» Madame l'interprète veut-elle nous faire la grâce de nous traduire ce gentil ramage en langue vulgaire ? Dit gaiement Charles Dutertre à sa femme. Comment, Charles, tu ne comprends pas ? Pas du tout. Ni vous, mon cher père ? Demanda la jeune fille au vieillard. J'avais bien cru d'abord entendre quelque chose comme dimanche et habit, répondit le vieillard en souriant. Mais cela s'est ensuite tellement compliqué que j'ai renoncé à comprendre, ou plutôt à deviner. C'était pourtant à peu près cela. Allons, il n'y a que les mères et les grands-pères pour comprendre les petits-enfants, dit Sophie d'un air triomphant. Puis, s'adressant aux deux enfants, n'est-ce pas, cher petit, que vous dites à votre grand-père, c'est aujourd'hui dimanche, puisque nous avons de beaux habits neufs. Madeleine, la blondinette, ouvrit ses grands yeux bleus tout grands et baissa sa tête frisée d'un air affirmatif. Tu es le Champollion des mères, s'écria Charles Dutertre, tandis que le vieillard disait aux deux enfants « Non, ce n'est pas aujourd'hui dimanche, mes enfants, mais c'est un jour de fête. » Ici, Sophie fut obligée d'intervenir de nouveau et de traduire encore « Il demande pourquoi ces fêtes, mon bon père ?»« Parce que nous allons voir un ami, » reprit le vieillard avec un sourire un peu contraint. « Et quand un ami vient, c'est toujours fête, mes amis. »« À propos, et la bourse ?» dit Dutertre à sa femme. « Tenez, monsieur. » répondit gaiement Sophie à son mari en lui indiquant du geste sur la table une petite boîte de carton entourée d'une faveur rose. « Croyez-vous que j'oublie plus que vous, notre bon monsieur Pascal, notre digne bienfaiteur ?» Le grand-père, s'adressant à la petite Madeleine, lui dit en la baisant au front « On attend monsieur Pascal, tu sais, monsieur Pascal. » Madeleine ouvrit de nouveau ses grands yeux. Sa figure prit une expression presque craintive et, secouant tristement sa petite tête bouclée, elle dit « Il est méchant. »« Monsieur Pascal ?» dit Sophie. « Oh oui, bien méchant !» répondit l'enfant. « Mais, » reprit la jeune mère, « pourquoi penses-tu, ma petite Madeleine, que monsieur Pascal est méchant ?»« Allons, Sophie, » dit Charles Dutertre en souriant, « ne vas-tu pas t'arrêter à ces enfantillages au sujet de notre digne ami ?» Chose assez singulière, la physionomie du vieillard prit une vague expression d'inquiétude. Et soit qu'il crût à la sûreté de l'instinct ou de la pénétration des enfants, soit qu'il obéît à une autre pensée, loin de plaisanter, comme son fils, des paroles de Madeleine, il lui dit en se penchant vers elle, Dis-nous, mon enfant, pourquoi M. Pascal est méchant ? » La blondinette secoua la tête et répondit naïvement « C'est pas, mais bien sûr, il est méchant. » Sophie, qui pensait un peu comme le grand-père au sujet de la singulière sagacité des enfants, ne put s'empêcher de tressaillir légèrement. Car il est des rapports secrets, mystérieux, entre la mère et les créatures de son sang, un indéfinissable pressentiment contre lequel Sophie lutta pourtant de toutes ses forces, car elle le trouvait injustifiable, insensé, lui disait que l'instinct de sa petite fille ne la trompait pas peut-être à l'endroit de M. Pascal, quoique jusqu'alors la jeune mère, loin d'avoir le moindre soupçon sur cet homme, le regarda au contraire, en le jugeant d'après ses actes, comme un homme d'un caractère empli de noblesse et de générosité. Charles Dutertre, ne se doutant pas des impressions de sa femme et de son père, reprit en riant « C'est moi qui vais faire à mon tour la leçon à ce grand-père et à cette mère qui se prétendent si entendue au jargon et aux sentiments des enfants. Notre excellente amie à l'écorce rude. Les sourcils épais, la barbe noire, la figure brune, la parole brusque. C'est, en un mot, une sorte de bourru bienfaisant. Il n'en faut pas davantage pour mériter le titre de méchante par l'autorité du jugement de cette blondinette. » À ce moment, la jeune servante entra et dit à sa maîtresse « Madame, Mademoiselle Hubert est là avec sa domestique et Antonine ? Quel bonheur ! » dit Sophie en se levant vivement pour aller au-devant de la jeune fille. « Madame, ajouta mystérieusement la servante, Agathe demande si M. Pascal aime les pois au sucre ou au lard. « Charles, dit gaiement Sophie à son mari, c'est grave, qu'en penses-tu ? Il faut faire un plat de pois au sucre et un plat de pois au lard, répondit Charles d'un air méditatif. Il n'y a que les mathématiciens pour résoudre les problèmes, reprit Sophie, puis emmenant ses deux enfants par la main, elle ajouta « Je veux faire voir Antonine comme ils sont embellis et grandis. Mais j'espère bien, dit M. Dutertre, que tu prieras Mademoiselle Hubert de monter ici, sinon j'irai la chercher. » « Je vais conduire les enfants à leur bonne et je remonte avec Antonine. »« Charles, » dit le vieillard en se levant, lorsque la jeune femme eut disparu, « donne-moi ton bras, je te prie. »« Volontiers, mon père, mais M. Pascal ne peut tarder à arriver. »« Et tu tiens à ce que je sois là, mon ami ?»« Vous savez, mon père, tout le respect que notre ami a pour vous et combien il est heureux de vous le témoigner. » Après un moment de silence, le vieillard reprit « Sais-tu que depuis que tu l'as chassé, ton ancien caissier Marcelange est souvent allé voir M. Pascal ? Voilà, mon père, la première nouvelle que j'apprends. Ça ne te paraît pas singulier ? En effet. Écoute-moi, Charles, je... Pardon, mon père, reprit Dutertre en interrompant le vieillard. Maintenant j'y songe. Rien de plus naturel. Je n'ai pas vu notre ami depuis que j'ai renvoyé Marcelange. Celui-ci n'ignore pas mon amitié pour M. Pascal, et il sera peut-être allé le voir pour le prier d'intercéder auprès de moi. « Ça peut s'expliquer ainsi, » dit le vieillard en réfléchissant. « Cependant, eh bien, mon père, l'impression de ta petite fille m'a tout à l'heure frappé. »« Allons, mon père, » reprit Dutertre en souriant. « Vous dites cela pour faire votre cour à ma femme. Malheureusement, elle ne peut pas vous entendre. » Mais je lui rapporterai votre coquetterie pour elle. « Je dis cela, Charles, » reprit le vieillard d'un ton triste, « parce que, si puéril qu'elle te paraisse, l'impression de ta petite fille me semble d'une certaine gravité. Et quand je la rapproche de quelques circonstances qui me viennent à cette heure à l'esprit, quand je songe enfin aux fréquentes entrevues de Marcelange et de M. Pascal, malgré moi, je te l'avoue, je ressens à son égard une vague défiance. » « mon père !» reprit Charles Dutertre avec émotion. « Sans le vouloir et par tendresse pour moi, vous m'affligez beaucoup. Doutez de M. Pascal, doutez de notre généreux bienfaiteur. Ah, tenez, mon père, vrai, voilà le premier chagrin que j'ai ressenti depuis longtemps. Se défier sans preuve, subir l'influence de la fugitive impression d'un enfant. » Ajouta Dutertre avec la chaleur de son généreux naturel. « Cela est injuste aussi. »« Charles, » dit le vieillard blessé de la vivacité de son fils. « Pardon, pardon, mon bon excellent père, » s'écria Dutertre en prenant les mains du vieillard entre les siennes. J'étais vif, excusez-moi. Mais à un moment, l'amitié a parlé plus haut que mon respect pour vous. « Mon pauvre Charles, » répondit affectueusement le vieillard, « fasse le ciel que tu as raison contre moi. Et loin de me plaindre de ta vivacité, j'en suis heureux. Mais j'entends quelqu'un. Viens, reconduis-moi. » Au moment où M. Dutertre refermait la porte de la chambre où il avait ramené l'aveugle, Mlle Antonine Hubert entrait dans le salon, accompagnée de Mme Dutertre.